si vous demandiez à cet homme célèbre, qui lui seul méritait autant qu'on fit le voyage d'Angleterre que tous les restes de Rome méritent qu'on fasse le voyage d'Italie, si vous lui demandiez, dis-je, la scène du petit garçon pâtissier, il vous la jouait. Si vous lui demandiez tout de suite la scène d'Hamlet, il vous la jouait, également prêt à pleurer la chute de ses petits pâtés et à suivre dans l'air le chemin d'un poignard. Est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on pleure à discrétion? On en fait la grimace? Plus ou moins fidèle, plus ou moins trompeuse, selon qu'on est ou qu'on n'est pas Garrick. Je persifle quelquefois, et même avec assez de vérité, pour en imposer aux hommes du monde les plus déliés, lorsque je me désole de la mort simulée de ma sœur dans la scène avec l'avocat Banormand, lorsque dans la scène avec le premier commis de la marine je m'accuse d'avoir fait un enfant à la femme d'un capitaine de vaisseau, j'ai tout à fait l'air d'éprouver de la douleur et de la honte, mais suis-je affligé, suis-je honteux, pas plus dans ma petite comédie que dans la société, où j'avais fait ces deux rôles avant de les introduire dans un ouvrage de théâtre. Qu'est-ce donc qu'un grand comédien? Le commis Billard est un Tartuffe, l'abbé Grisel est un Tartuffe, mais il n'est pas le Tartuffe. Le financier Toinard était un avare, mais il n'était pas l'avare. L'avare et le Tartuffe ont été faits d'après tous les Toinards et tous les Grisels du monde. Ce sont leurs traits les plus généraux et les plus marqués, et ce n'est le portrait exact d'aucun. Aussi personne ne s'y reconnaît-il. Les comédies de verve et même de caractère sont exagérées. La plaisanterie de société est une mousse légère qui s'évapore sur la scène. La plaisanterie de théâtre est une arme tranchante qui blesserait dans la société. On n'a pas pour des êtres imaginaires le ménagement qu'on doit à des êtres réels. La satire est d'un Tartuffe et la comédie est du Tartuffe. La satire poursuit un vicieux. La comédie poursuit un vice. S'il n'y avait eu qu'une ou deux précieuses ridicules, on aurait pu faire une satire, mais non pas une comédie. Allez-vous-en chez la Grenée, demandez-lui la peinture, et il croira avoir satisfait à votre demande, lorsqu'il aura placé sur sa toile une femme devant un chevalet, la palette passée dans le pouce et le pinceau à la main. Demandez-lui la philosophie, et il croira l'avoir faite lorsque, devant un bureau, la nuit, à la lueur d'une lampe, il aura appuyé sur le coude une femme en négligé, échevelée et pensive, qui lit ou qui médite. Demandez-lui la poésie, et il peindra la même femme dont il ceindra la tête d'un laurier et à la main de laquelle il placera un rouleau. La musique, ce sera encore la même femme avec une lyre au lieu du rouleau. Demandez-lui la beauté, demandez même cette figure à un plus habile que lui, ou je me trompe fort, ou ce dernier se persuadera que vous n'exigez de son art que la figure d'une belle femme. Votre acteur et ce peintre tombent tous deux dans un même défaut, et je leur dirai, votre tableau, votre jeu, ne sont que des portraits d'individus fort au-dessous de l'idée générale que le poète a tracée, et du modèle idéal dont je me promettais la copie. Votre voisine est belle, très belle, d'accord, mais ce n'est pas la beauté.